Tous les jours, toutes les nuits, toutes les secondes et toutes les années, en ce moment, je vis pour rythme et sexe.